Les éditions de l'Avenir présentent L'homme qui portait deux montres. Un texte de Hugues Morin, lu par Christian Martin. À Suzy. Pour ma seconde montre bracelet. Dans la petite ville où j'habitais, il y avait un curieux homme. Il travaillait, faisait son épicerie et baladait son chien comme tout le monde, mais il avait ceci de particulier. Son poignet gauche était orné de deux montres bracelets. Les gens d'ici étaient intrigués par un tel comportement. Il faut avouer que la chose sort de l'ordinaire. Il ne les portait pas qu'au travail ou en faisant un sport précis requérant peut-être un chronométrage spécial, non. Il les portait toujours toutes les deux. Et ce, jour après jour. Il paraît qu'on l'a vu à la piscine enlever consciencieusement ses deux montres avant la baignade pour les reprendre et les remettre autour de son poignet après la séance. On se demande s'il les enlève la nuit. Quelques-uns ont émis l'hypothèse que l'une des montres devait avoir une utilité particulière, que l'autre n'avait pas, comme de servir de réveil matin. Mais alors, pourquoi conserver celle qui ne lui sert pas? Et l'homme qui portait deux montres déambulait le plus naturellement du monde dans les rues de la ville. Il faisait ses achats sans aucune gêne, ne semblait pas se rendre compte de la curiosité dont il faisait l'objet partout en ville avec ses deux montres bracelets. Et parlons-en de ces montres. On a un temps cru à un attachement sentimental. On s'est imaginé que l'une devait être un héritage, quelque chose du genre, et que comme elle ne fonctionnait pas, il se servait de l'autre comme montre véritable. Mais cette explication ne tint pas longtemps la route. Car quelques témoins ont remarqué que les deux montres se ressemblaient étrangement et étaient de modèle tout ce qu'il y a de plus banal, bref, le genre d'objet strictement utilitaire que l'on retrouve sur le marché pour quelques dizaines de dollars. Aucune des deux ne semblait âgée ou avoir une quelconque valeur historique. Les bracelets étaient du même acabit, deux lanières de plastique imitation cuir de couleur noire, qu'il n'avait pas dû payer plus de 5 $ pièce. Un jour, j'ai rencontré l'homme qui portait deux montres, et je l'ai croisé d'assez près pour pouvoir jeter un œil sur ces intrigants objets. J'ai pu constater qu'il s'agissait de deux montres digitales, aucune aiguille, qu'un cadran avec des petits cristaux liquides et trois boutons sur les côtés du boîtier. Je vais vous dire une chose. Personne en ville n'a osé lui demander l'utilité de ces deux montres, car il était évident, après toutes les observations, qu'elles devaient avoir chacune utilité. Mais laquelle? Je me souviens qu'il y a longtemps encore, mon frère avait subtilement émis un commentaire envers l'homme qui portait deux montres. Ce dernier ne lui avait qu'indirectement répondu en mentionnant que ces montres avaient une quintuple utilité. Non pas une, mais bien cinq raisons de porter deux montres. Il faut l'avouer, l'homme ne manquait pas de culot. Pour ma part, j'avais timidement émis l'hypothèse qu'une des montres avait peut-être appartenu à un être cher, aujourd'hui disparu, et que l'homme portait la montre en souvenir. Mais alors, pourquoi ne pas porter uniquement cette montre? Je me suis fait contester autant que les autres explications qui ont circulé en ville. Cet homme était définitivement anormal. Qui a besoin de deux montres bracelets? Mais peut-être n'en avait-il pas vraiment besoin. Alors, pourquoi jouait-il ainsi avec toute une population, au chat et à la souris, et ne dévoilait-il pas enfin les raisons de son curieux comportement? Je me disais que la prochaine fois que je le rencontrerai, je l'affronterai en face. Après tout, il n'avait pas l'air bien méchant. Et j'espérais enfin savoir s'il s'amusait à berner la population, ou bien s'il était vrai que ces montres avaient bien 5 utilités comme il le prétendait. Je me demandais parfois comment réagiraient les habitants de la ville une fois dévoilé le fin mot de l'histoire. D'aucuns invoquent la déception dans les cas où la solution serait d'une étonnante banalité, mais j'ai peine à croire à une explication banale pour un tel phénomène. Et si la chose relevait de l'interdit, du tabou? Allez savoir, peut-être ne mentionnait-il pas ses raisons par peur de réaction? Cette idée expliquerait pourquoi il conservait un tel silence. Enfin, toujours est-il qu'un beau jour, l'homme qui portait 2 montres a complètement disparu de la circulation. Plus personne en ville ne l'a revu depuis. Il n'a pas dit au revoir, mais il a quitté l'endroit. Ça a frustré les pires curieux de la place, croyez-moi. De se rendre compte qu'après tout ce temps et toutes ces suppositions, personne ne saurait réellement pourquoi cet homme portait 2 montres. Depuis, on entend encore parler de lui pourtant de temps à autre. C'est que l'énigme demeure entière. Quelques personnes ont lancé l'idée que la seconde montre devait indiquer l'heure d'un autre fuseau horaire. Voilà certainement la plus crédible des hypothèses soulevées à propos de cette satanée montre. Nous imaginons qu'il vit désormais à cet endroit où l'heure est différente d'ici. J'ai entendu dire qu'un jour, un passant l'avait croisé en ville et avait remarqué que ses montres n'indiquaient pas la même heure. 3 heures de différence, soutiendrait ce témoin surprise qui ne s'est manifesté qu'après le départ de notre homme aux 2 montres, remarquez bien. Pour ma part, je me suis fait à l'idée que les gens d'ici ne sauraient jamais pourquoi l'homme portait 2 montres. Peut-être trouveront-ils une des utilités, mais allez savoir s'il y en avait réellement d'autres. 5. Toujours est-il que depuis peu, je me suis procuré moi-même une seconde montre. Je ne sais pas encore à quoi elle pourra bien servir, mais s'il est vrai que la deuxième montre de ce curieux homme avait plusieurs utilités, c'est peut-être la meilleure manière de le découvrir. Et depuis que j'ai mis cette montre, je trouve plutôt amusant que quelques personnes en ville s'intriguent à savoir pourquoi diable je porte maintenant 2 montres. Je trouve curieux de penser que personne ne se demande à quoi sert une montre, mais étonnant de constater que si un individu en porte 2, alors il devient l'objet de toutes les rumeurs.